La création de l'homme, légende des peaux rouges de l'Amérique du Nord. Le grand esprit, s'étant placé sur un point élevé, prit de la terre entre ses doigts, la sécha, puis souffla dessus, et devant lui apparut l'homme blanc. Le grand esprit fut attristé, car il n'avait pas fait ce qu'il voulait faire. L'homme était blanc et paraissait faible et maladif. Le grand esprit lui dit « Tu n'es pas ce que je désire. Je pourrais te faire rentrer dans la poussière d'où je t'ai arraché. Mais je te laisse la vie. Mets-toi un peu de côté. » Ayant ainsi parlé, il prend encore de la terre entre ses doigts, la sèche, puis souffle dessus, et devant lui apparaît l'homme noir. Le grand esprit fut attristé. Cet homme était noir et laid. Il lui dit de se mettre aussi de côté, prit encore de la terre, souffla dessus, et cette fois apparut l'homme rouge. Le grand esprit alors sourit, et en ce moment le ciel s'ouvrit, et on en vit descendre graduellement jusqu'à terre trois boîtes. Le grand esprit, se tournant vers les hommes qu'il venait de créer, leur dit « C'est à moi que vous devez tous trois la vie, mais l'homme rouge est seul mon favori. Cependant, chacun de vous doit avoir sa place et sa tâche particulière en ce monde. Ces trois boîtes renferment les ustensiles que vous emploierez à vous procurer votre subsistance. Homme blanc, tu n'es pas mon favori, mais c'est toi que j'ai formé le premier. Ouvre ces boîtes et choisis. » L'homme blanc fit ce qui lui était commandé et s'écria « Je prends celle-ci. » Elle était remplie de papier, de plumes et de divers autres petits objets. « Homme noir, dit le grand esprit, tu as été créé le second, mais tu n'auras dans ce monde que le troisième rang. » Puis, se tournant vers l'homme rouge, « Regarde, lui dit-il avec un affectueux sourire, et choisis. » « Je prends cette boîte, répliqua l'homme rouge. Elle était remplie d'arcs, de flèches et de divers ustensiles de chasse et de guerre. La troisième boîte, abandonnée aux nègres, renfermait des haches et des hoyaux, ce qui faisait voir que l'homme noir devait travailler pour l'homme blanc et pour l'homme rouge. »